Les nuits de France Culture. Une mémoire radiophonique. Des mots pour seule question, soumis à l'invité, qui y répondait en disant ce qu'il lui évoquait. Quels souvenirs, quelles impressions, quelles réflexions. Telle était la règle des mots-clés, l'émission que proposait Pierre Lost sur France Culture au début des années 70. Parmi les mots qu'il soumettait à Elie Wiesel en 1972, la nuit, l'aube et le jour. Trois mots qui étaient les titres des trois premiers livres écrits par Elie Wiesel, même si La Nuit, le premier de ce qui peut être considéré comme une trilogie, écrit en yiddish, avait initialement pour titre « Et le monde se taisait ». La Nuit, paru aux éditions de Minuit en 1958, à propos duquel Pierre Vidal-Naquet, dont les deux parents furent assassinés à Auschwitz et qui n'avait pourtant aucun goût pour l'œuvre d'Elie Wiesel, a écrit. Le premier livre qui m'ait vraiment appris ce qu'était le camp d'Auschwitz fut « La nuit » d'Elie Wiesel. Les mots-clés avec Elie Wiesel, une émission diffusée la première fois le 2 février 1972 sur France Culture. C'est aujourd'hui Elie Wiesel, prix Médicis 1968, auteur de « La nuit », L'aube, le mendiant de Jérusalem, le jour, les portes de la forêt et tout dernièrement la célébration hassidique que nous avons la joie de recevoir dans notre émission Les mots-clés. Elie Wiesel, vous connaissez la règle du jeu. Je vais vous offrir dans un désordre organisé un certain nombre de noms et de mots et vous demander ce que chacun d'eux évoque pour vous aussitôt. Vous êtes prêts? L'enfance. Silence. Parce que pour moi, l'enfance appartient dans cette zone-là, justement, la zone du silence. J'y reviens souvent. La solitude. Solitude, le verbe, le langage. En parlant, on est encore plus seul qu'en se taisant. L'avenir. Le feu. Le feu du monde, le feu dans le monde, le feu en moi. Le feu du passé qui un jour va embraser l'avenir. Les mots. Le doute. En parlant, est-ce que je dis ce que je veux dire? Est-ce que je dis ce que je dois dire? Aucune idée. Le doute. La cabale. La vérité. La vérité souriante. La vérité qui fait peur. La vérité contre laquelle on se protège par le sourire et même par la peur. La liberté. La liberté, pour moi, c'est un besoin, une nécessité, mais pas une possibilité. Impossible de la mutiler. 15 ans. Mes parents, la dernière fois, le dernier regard, la dernière parole. L'arbre. La montre. J'avais une montre, j'étais jeune, j'avais 13 ans. J'ai enterré la montre sous l'arbre. L'immortalité. Un souhait bizarre. Je ne sais pas si j'aimerais l'avoir, cette immortalité. Et en même temps, je sais que si je vis, c'est pour être immortel, que toute vie est immortelle dans le moment qui se déroule. La mort. Présente. Toujours. Surtout depuis la guerre, nous vivons dans la mort, avec la mort à nos côtés. Ma mort et celle d'un tas d'amis, trop d'amis. La foi. La foi rejoint l'enfance, et l'enfance rejoint la mort, et la mort rejoint mes amis. Quand je pense à la foi, je pense à mes amis. J'aimerais avoir cette foi, j'aimerais avoir mes amis. 21 ans. le bague, le voyage, les découvertes, la ferveur, c'est Paris, surtout Paris, les flâneries dans Paris, les flâneries avec les premiers amis qui n'étaient pas juifs, avec qui nous parlions Kant et Schopenhauer et Vigny et Bergson, sa découverte de la philosophie, la découverte des questions philosophiques. La prière, c'est une composition de solitude, de silence et de ferveur. La prière, pour moi, c'est un rabbi, Rabbi Nachman de Bratslav, qui disait que j'aimerais que toutes mes histoires deviennent prières. Moi, j'aimerais que toutes mes prières deviennent histoires. La gloire. Bon, c'est rien. Ça me fait sourire. Je sais pas ce que c'est. Ça m'intéresse pas. La vérité historique. M'intéresse pas non plus. Autant j'aime la vérité et autant je respecte l'histoire, mais les deux ensemble, j'y crois pas beaucoup. Les questions. J'aime. Les questions, c'est moi. Le moi, je le conçois uniquement comme question et je n'aime pas les réponses. Mais je sais que ce que j'ai à offrir, ce sont mes questions. Ce que j'essaye de prendre, ce ne sont pas des réponses, mais toujours des questions ou l'interrogation. Le visage. Important, le visage. Très important, car c'est une porte. Une porte du moi, une porte de la vie, de l'existence. C'est une porte de l'homme. Ce que je regarde dans l'homme d'abord, c'est le visage. Ce que je regarde dans le visage, c'est le regard. Et j'aime le visage. La vérité mystique. La vérité enfouie, la vérité de la nuit, c'est le murmure. La vérité mystique, on n'a pas le droit de la dire. On a le droit que de la murmurer, de la transmettre, de naître à l'autre par le regard, par le silence, par un contact autre que celui de la parole. J'aime la vérité mystique car elle aussi me rapproche de l'enfance. La douleur. Le silence. On ne parle pas de la douleur. Les douleurs vraies sont celles dont on ne parle pas. Et si on en parle, je crois qu'on les défigure, je crois qu'on les vend. C'est pourquoi je crois qu'en tant que juif, nous ne parlons jamais de ce qui nous fait mal. Nous parlons de ceux qui nous font mal, mais pas de la douleur en soi. Et dans les récits que nous transmettons, c'est pareil, ce sont des récits nostalgiques, mais sans douleur. Le cœur. Non plus, nous n'en parlons pas. Je me situe là, n'est-ce pas, dans une tradition très ancienne où le cœur, c'est l'humanité, c'est un symbole, mais ça ne dit rien, vraiment. C'est l'âme qui compte, pas le cœur. Le meurtre. Le meurtre, c'est le premier meurtre. C'est Caïn qui tue Abel. Tout meurtre est un suicide. Tout meurtre est une révolte contre Dieu. D'avoir donné la mort aux hommes, d'avoir libéré la mort, d'avoir imposé la mort aux hommes. Le meurtre, en fait, c'est la destruction de la foi en l'homme en lui-même. La poésie. La libération. On penserait que la poésie est une discipline, je ne le pense pas. Je pense que la poésie est une libération où les mots se mettent à chanter et l'homme qui les fait chanter est le chant de ces mots. La folie. C'est la poésie suprême. Quand la vie elle-même a ce besoin de chanter, éprouve cette nécessité de chanter et ne sait pas comment. Et alors, c'est la folie. Mais alors, il y a folie mystique et il y a folie clinique. Bien sûr, je penche plutôt pour et vers la folie mystique. La folie qui n'est pas stérile, c'est la folie mystique. Comme la vérité mystique. L'amitié. C'est sans doute, pour moi, ce que j'aime le plus en l'homme, c'est sa faculté d'avoir des amis. Les amitiés, pour moi, c'est plus important que même l'amour. J'avais un ami qui disait que ma patrie, c'est mes amis, et c'est sans doute vrai pour moi aussi. Je crois que je ne pourrais pas vivre dans un monde sans amitié et sans amis. Et je crois qu'il y a très peu d'amis. J'exige beaucoup de mes amis. J'exige qu'ils soient ce qu'ils sont, honnêtes, entiers, fidèles, dévoués, mais non pas aveugles. Et je suis comme ça aussi avec eux. La mémoire. C'est plus que l'histoire. C'est plus que tout. La mémoire, c'est ce qui conditionne l'être que je suis. C'est ce qui motive mon action. Un homme sans avenir, je peux encore le concevoir. Mais un homme sans passé, je le plains. Un homme sans mémoire n'est pas un homme. Un homme qui ne se situe pas dans une lignée qui remonte le plus loin possible dans le temps. Je le plains aussi. Donc ce que je lui offre, moi, c'est ma mémoire. En lui racontant les histoires de ma vie, ce n'est pas ma vie que je lui offre, mais la mémoire de cette vie. L'aube. L'aube, l'ouverture. Après la peur, après l'angoisse, après la nuit, il faut recommencer de vivre. Il faut recommencer cette marche permanente, continue à travers le monde. Il faut imposer le monde aux hommes qui le font. C'est pour moi l'aube. Le mensonge. Le mensonge, c'est le petit mensonge qui me fait peur. C'est le petit mensonge qui me répudie. Les grands mensonges, bon, ne sont pas si dangereux car on les découvre tout de suite et peut-être ont-ils même une signification, une nécessité. Mais le petit mensonge quotidien, pour rien du tout, ce mesquin. Je ne crois pas que le mensonge soit vraiment un danger. Ce qui est dangereux, c'est l'ambiguïté de la vérité. Ce qui est danger, c'est le masque, qui n'est pas un mensonge, c'est autre chose. Le soleil. Le soleil, voyons, le soleil pour moi, c'est ma petite ville. D'ailleurs, toutes les choses belles et toutes les choses tristes, c'est toujours dans ma petite ville que je les trouve. Je crois que le soleil que j'ai connu quand j'étais gosse est mort. Et je ne l'ai plus revu, ni dans l'Orient, et pourtant le soleil de l'Orient est splendide, ni même à Jérusalem. À Jérusalem, ce sont les pleurs et ce sont les chants que j'ai trouvés. Mais le soleil qui était au-dessus de mon enfance n'est plus là. Le Messie. Viendra-t-il ? Quand est-il venu ? Quand j'étais enfant, j'étais sûr que chaque enfant juif peut faire venir le Messie. Quand j'étais enfant, j'ai essayé de le faire venir. Quand j'étais enfant, nous étions trois à former un vœu, à former une alliance pour faire venir le Messie. Le premier a perdu la raison, le second a perdu la raison, et ensuite le monde entier a perdu la raison, et ce qui m'a sauvé. Je me souviens quand même que pendant la guerre, la première nuit, l'arrivée à Auschwitz, et j'ai vu tous ces Juifs qui arrivaient de partout, de tous les coins de l'Europe, si différents les uns des autres. Et je ne savais pas ce que c'était encore. Mais j'ai vu tous ces Juifs. Et j'ai vu tous ces enfants avec leur mère et leur père, se donnant la main, effrayé, seul. Et ma pensée c'était, mais voilà, j'ai réussi, le Messie est arrivé. Et peut-être était-ce vrai, le Messie est arrivé à Auschwitz. Qui sait ? Est-il resté là-bas ? Est-il parti ? Qui sait ? Les montagnes. La hauteur, le Sinaï. Sinaï, une montagne pas trop grande, pas trop haute. Les montagnes, la solitude de Moïse, la solitude du poète. Les montagnes, la solitude du survivant qui cherche à les franchir pendant la guerre pour se sauver de l'autre côté, toujours de l'autre côté, mais les montagnes sont trop hautes, infranchissables. La mode. Connais pas. Le journalisme. Passionnant. Je l'ai fait pendant presque 20 ans. J'ai travaillé pour les quotidiens à Paris, à New York. J'ai parcouru le monde entier pour des journaux. Passionnant. Informer le lecteur. Agir. Mais après un certain temps, là encore, on éprouve la futilité de cette entreprise. Nous pensons pouvoir agir sur les hommes, mais en fait, on n'y parvient pas. Est-ce la faute du lecteur qui ne cherche qu'à s'amuser, à se divertir? Est-ce la faute des dirigeants qui ne lisent pas les journaux? Mais après un certain temps, moi, personnellement, j'en ai retiré une déception. Je n'étais pas satisfait de mon travail. Je n'ai pas fait assez. Je n'ai pas changé le monde. Pas même pour un instant. Et je crois que dans les romans, dans les légendes, dans les récits, dans les dialogues, dans les rencontres, tout de même, on arrive à changer la vie des hommes, la vie d'un homme, pour un instant. La peur. Je ne connais pas non plus. D'ailleurs, ça me manque parfois. Depuis la guerre, je n'ai plus peur de rien. Qu'est-ce que le monde pourrait me faire encore de ce qu'il n'a plus fait, de ce qu'il n'a pas essayé de faire? Alors maintenant, quand je prends l'avion, je n'ai pas peur. Maintenant, quand je roule en voiture, je n'ai pas peur. J'ai échappé deux fois à des accidents aériens. Deux fois. Et dans les deux cas, c'était des morts totales. Tous les passagers des avions, des deux avions, ont trouvé la mort. Et moi, parce que je suis arrivé en retard, j'ai survécu. Eh bien, je n'ai pas eu peur de reprendre l'avion tout de suite après. Je n'ai pas peur. Et ça me manque. Parce que la peur est utile. La connaissance. But ultime de la vie. Qu'est-ce que nous faisons ici? Quel est le sens de notre passage sur Terre? Comment un homme et un autre peuvent-ils savoir qu'ils vivent ensemble dans le même monde, dans le même temps? Comment un homme et une femme font-ils pour trouver la force et le courage et l'audace de donner la vie? C'est ça la connaissance. Comment font-ils tous ces hommes que je croise dans la rue d'aller vaquer à leurs affaires? Comment font-ils pour sourire? Comment font-ils pour chanter? C'est quoi donc la vie? C'est quoi donc l'homme? Donc la connaissance pour moi, c'est une question toujours la même que je me pose et que je pose aux autres. François Mauriac. Presque un saint pour moi, un saint au sens le plus amusant et le plus beau. Un saint parce qu'il me parlait tout le temps de sainteté, alors que lui, avec les autres, bien sûr, dans ses romans et avec les catholiques, ne parlait pas de sainteté, il parlait du mal, il parlait du péché. Mais lui et moi, l'un en face de l'autre, juif et chrétien, chacun, je crois, cherchant en l'autre ce qu'on n'avait pas. Alors, lui, le chrétien, cherchait dans le juif le saint. Il me parlait tout le temps de la sainteté. Il était pour moi le guide premier. C'est grâce à lui que j'ai pu pénétrer certains secrets de la langue française et certains cercles de lettres françaises. C'est grâce à lui que j'ai réussi à trouver un éditeur. C'est lui qui a préfacé mon premier livre. Il m'a dédicacé, il m'a dédié son Fils de l'homme. François Mauriac, c'est sans doute celui qui a compté le plus dans ma vie d'écrivain, si je peux dire, dans ma carrière d'écrivain. Et pourtant, nous étions si différents. Lui était obsédé par la souffrance, peut-être même par la mienne, et moi pas. Parce que lui, c'était le chrétien. Le chrétien, sincère, et moi, en face de lui, je me sentais même plus juif que d'habitude. Donc nos dialogues étaient toujours le dialogue entre deux traditions, entre deux religions, entre deux groupes d'hommes. Et en même temps, c'était très humain. Chaque fois que je venais le voir, j'étais ému, parce qu'il était vraiment généreux. Donc je lui suis toujours plus que reconnaissant. Vraiment, c'est une émotion que je ressens envers lui. La mère ou ma mère? La mère, c'est ma mère. Je n'en parle pas encore. Les maîtres, ce sont des vieillards. Ce sont des vieillards, des mendiants, des princes déguisés. Je pense toujours à mes maîtres, qui étaient toujours vieux. Parce que dans la tradition juive, un maître est toujours vieux, et toujours pauvre, démuni. J'en avais plusieurs. J'en avais parlé, j'en parle dans mes livres, dans mes contes. Ils sont désintéressés, certains sont cruels, certains vous forcent à connaître des choses que vous ne pouvez pas connaître. Alors si vous êtes trop faible, si vous avez peur d'avancer un peu trop vite à leur gré, alors ils se mettent en colère. D'autres vous enseignent la vérité, la leur, la vôtre, avec le sourire. Mais les maîtres véritables sont ceux qui vous élèvent à eux. Donc moi, face à ces vieillards, je me sentais très très très vieux, et parfois même plus vieux que mes vieux maîtres. La nuit. Auschwitz, Buchenwald, c'est ce royaume de la terreur, le royaume du silence, le royaume de la peur, le royaume de l'inhumain, le royaume de Dieu devenu Satan, le royaume de Dieu devenu feu et flamme. La nuit, c'est l'autre côté. La nuit, c'est l'expérience que jamais je ne saurais transmettre. Et pourtant, j'ai essayé. La nuit, c'est le moi du moi. La nuit, c'est ma nuit à moi, que je porte en moi. C'est la face sombre de mon moi et du monde. C'est le mot clé, peut-être. C'est le mot clé de tous mes livres. Le regard. C'est encore un mot-clé. C'est sans doute l'un des mots qui revient le plus souvent sous ma plume. Le regard, c'est l'expression véritable et insaisissable d'autrui. Mon premier contact avec autrui est par le regard. Un homme sans regard est un homme en qui je n'ai pas confiance. Une société sans regard est une société condamnée. Je parle beaucoup de regard, car j'aimerais regarder là où il faut regarder, et j'aimerais savoir détourner le regard des endroits et des hommes qui n'aiment pas que je le regarde. Par le regard que je laisse courir parfois, j'arrive loin, et j'espère seulement ne pas m'en détacher. J'espère seulement jamais être laissé en arrière. J'aime être dans mon regard. Le rire. Le rire de Dieu. Une obsession qui revient toujours dans mon esprit. Pourquoi Dieu a-t-il créé l'homme? Serait-ce pour s'en moquer? Pourquoi Dieu a-t-il imposé toute cette série d'épreuves à tant d'hommes? Serait-ce pour s'en moquer? Qu'est-ce qu'il fait, Dieu, là-haut? Pendant que nous souffrons, pendant que nous nous faisons souffrir les uns les autres, serait-il en train de rire? Pourquoi le deuxième patriarche s'appelle-t-il Isaac? Isaac en hébreu veut dire « celui qui rira ». Pourquoi le juif le plus tragique de la Bible, car c'est le premier survivant de l'Holocauste, le premier à descendre l'autel, pourquoi s'appelle-t-il celui qui rira? De quoi rira-t-il? Et pourquoi rira-t-il? Pourquoi le rire est-il associé ainsi au destin juif? Pourquoi le rire est-il associé ainsi à l'avenir des Juifs? Je ne sais pas, mais je sais que le rire des fous n'est pas celui des enfants. Je sais seulement que le rire du conteur n'est pas celui de ses héros. Et pourtant, j'aimerais les unir tous en un seul rire, un rire bon, un rire libérateur. La haine. Connais pas. Pendant très longtemps, je pensais que je pouvais haïr les Allemands. Je ne peux pas. Maintenant, je me rends compte que non seulement je ne peux pas, mais même alors, pendant la guerre, pendant la tourmente, j'étais incapable de haïr nos bourreaux. Et maintenant, je me rends compte même que même les bourreaux, eux, ne nous haïssaient pas. C'était une histoire sans haine. C'était une histoire technique, déshumanisée. Ils nous tuaient sans haine et nous nous faisions tuer sans haine. Nous étions des objets pour eux et on ne haït pas un objet. Il n'y a pas ce sentiment humain même. La haine, après tout, est un sentiment humain. Il n'y avait pas en eux ce sentiment pour nous. Devrais-je en être content? Parfois, je me le demande. Peut-être si les Juifs avaient su haïr au cours de leur histoire, ils auraient su s'épargner un tas de tourments. Mais entre haïr et souffrir, je crois que personnellement, et je parle seulement pour moi-même, je préférerais souffrir. Je n'aimerais pas haïr. L'Académie française. C'est quoi? L'indifférence. L'indifférence, c'est le pire des fléaux. L'opposé de l'amour n'est pas la haine, mais l'indifférence. Ce qui tue l'amour n'est pas la haine, mais l'indifférence. L'homme ne meurt pas par la haine, l'homme meurt par la suite de l'indifférence. Et si les hommes tous un jour succomberont au grand fléau de la menace atomique, ce ne sera pas dans la haine, mais dans l'indifférence. L'indifférence n'est plus un péché, c'est un châtiment. Il n'y a rien de pire pour la société que l'indifférence. Les nourritures terrestres. C'est André Gide, je crois. C'est un titre. Poétique, mais rien d'autre. Le jour. Bon, bien sûr, le jour, comme la nuit et l'aube, ça fait partie un peu de mon vocabulaire. J'en ai parlé, c'est un accident de voiture, c'est un suicide, la peur du jour. Mais le jour aussi suggère le lointain. Le jour suggère tout de même le Messie qui apporterait le jour, avec G majuscule. Serais-je encore là pour le recevoir? Aucune idée. La guerre. La guerre, je ne connais qu'une seule guerre, celle que j'ai vécue moi-même, et pourtant je ne l'ai pas faite. La guerre, c'est la guerre de 39-45. La guerre, quand j'y pense, c'est bête, mais je pense la guerre que tous les peuples ont livrée aux miens. La guerre, c'est l'Holocauste, et je sais que je suis injuste, parce que c'était une guerre tout de même. Une guerre mondiale où tous les peuples étaient impliqués, 20 millions ou 30 millions d'êtres humains ont péri pendant cette guerre. Mais on ne peut pas faire une distinction entre les morts, mais tout de même, les 6 millions de morts que mon peuple a perdus sont morts pour rien. Ils auraient pu ne pas mourir. Il n'y avait aucune raison à cela. Alors c'était une guerre pas comme les autres. Et leur mort était une mort pas comme les autres. Les autres sont morts comme soldats, comme citoyens, comme habitants. Tandis que mes morts, oui, mes morts, ont péri comme des objets. Le crime le plus grave, c'est que mon père, on lui a volé sa mort. La création littéraire. Une mystification, un besoin, une illusion. Sommes-nous capables de créer, d'inventer? Je suis toujours surpris chaque fois que j'aligne certains mots. Et quand je ne suis pas surpris, c'est très mauvais et je déchire. La création littéraire, c'est un peu l'homme qui se regarde dans le miroir et ne sait plus qui il voit. Qui est donc ce visage qui accroche mon regard? Et qui est donc ce regard que je trouve là, de l'autre côté, et pourtant je sais que c'est moi? Et moi, je suis ni dans le miroir, ni de ce côté-ci, mais quelque part entre les deux. Donc, je ne suis pas dans les mots, mais dans le silence qui les sépare. Et c'est ce silence-là que j'essaye de capter et de cerner et de faire mien. La création littéraire, c'est la création de ce silence. Kafka. Très grand. Très grand. Il y a dans ma vie une période d'avant Kafka et une période après Kafka. Je me souviens encore de ma découverte de Kafka. Et ça, je peux dire aussi seulement de notre écrivain qui est Dostoïevski. Je me souviens la nuit à Paris, au 16e, j'ai habité 18 rue Le Marois. Et un ami, François Val, m'a donné le premier ouvrage de Kafka qui était Le Procès. Et j'ai commencé à le lire le soir. J'ai lu toute la nuit. Et le matin, vers 6 heures, j'ai entendu des gens qui passaient. Et j'ai entendu la voiture, je crois, qui passait pour des poubelles ou je ne sais plus quoi. Et d'habitude, les gens qui me réveillaient le matin, je ne les aimais pas. Parce qu'ils me réveillaient, parce que je dormais mal. Mais cette fois-ci, j'ai éprouvé un tel amour pour ces hommes que je ne connaissais pas, que j'ai eu envie de sortir dans la rue et les embrasser et les remercier d'être là. De me dire simplement, vois-tu le monde, l'univers de Kafka? Tout de même, il y en a un autre. Et nous appartenons à l'autre, et toi aussi. La parole parlée, la parole écrite. La parole, c'est une tradition. Il faut faire que la parole soit tradition. Il faut qu'elle dise la vérité et non pas la faire mentir. La parole est une arme, la parole est une porte derrière laquelle on se cache. Je choisis la parole dans la mesure où je peux choisir la porte qui m'attend et qui n'attend que moi, pour paraphraser un peu Kafka. La parole ne m'attire pas. C'est encore le silence qui m'attire, le silence au-delà de la parole. Le rêve. J'ai peur de rêver. Je rêve souvent, et je rêve souvent, bien sûr, aux années noires. C'est pourquoi j'ai peur. J'ai peur de me réveiller ensuite, car ce qui est grave là-dedans, ce qui est grave, c'est que je vibre, surtout à cette peur et à ces rêves. Je me rends compte que la période qui m'a vraiment marqué est celle qui a marqué le monde sans que le monde s'en rende compte, était tout de même la période de l'Holocauste, la période de la guerre. Donc, je ne serais pas ce que je suis sans cette tourmente. Les USA. Beaucoup de bruit. L'humour. Le rire. Le rire sain. Le rire pas méchant, le rire généreux. L'humour noir, oui, à condition qu'il ne fasse pas mal. Je n'aime pas faire mal. Je n'aime pas que le rire fasse mal. Quand je parle de rire libérateur, et j'apprécie l'humour autant que j'apprécie la générosité. Je l'apprécie seulement s'il lie les hommes plutôt que les séparer. L'argent. Oh, peu d'importance. J'ai vu, moi, toujours lors de la première nuit à Birkenau, en 1944, j'ai vu une montagne d'argent et d'or et de billets de banque. J'ai vu. Et je me souviens. Je me souviens, j'étais tout près de mon père. Et lui qui avait caché encore quelque chose dans le train, je crois une dernière montre en or, il a fallu qu'il jette cette montre sur cette montagne. Et quelque chose m'a frappé. Je me suis dit, mes parents ont travaillé si dur toute leur vie pour économiser un peu d'argent, pour que mes sœurs puisse épouser un garçon bien, pour que moi je puisse faire mes études. Ils ont travaillé si dur, ils ont travaillé 16 heures par jour. C'était pour ça. Et depuis, je n'aime plus l'argent. Et depuis, je suis devenu allergique à l'or. Je n'aime pas l'or. Je n'ai pas porté une montre en or depuis la guerre. Je n'ai jamais porté de bague, bien sûr, ou autre chose. Je ne peux pas porter l'or. Je ne l'aime pas. Et je n'aime pas l'argent. Parce que j'ai vu cette montagne. Le style. Le style dans l'écriture et le style dans la vie, je crois que c'est le même style. Le style, c'est l'homme, dit-on en français. Mais je dirais un peu plus, le style, c'est ce qui impose à l'homme sa vie, c'est ce qui l'unit à son destin. Le roman. La légende au sens le plus pur. J'écris des romans, mais en fait je raconte des histoires. Mes romans ne sont pas des romans, mes romans sont des légendes parfois mystiques, parfois théologiques, jamais très romantiques, jamais sentimentales, mais ce sont des contes. C'est un enfant qui me raconte une histoire, et cette même histoire, je la lui raconte une autre fois dans un roman prochain. C'est toujours le dialogue dans le roman entre celui que je suis et l'enfant que je fus. Moscou. La liesse, la ferveur, l'éveil, la renaissance, la danse. Moscou, c'est la fête. Moscou, c'est la fête de la jeunesse juive le soir de Simchat Torah. Moscou, c'est la grande surprise pour moi. Moscou, c'est la découverte, ma découverte du judaïsme soviétique, muselé, muet, silence. Moscou, c'est les juifs du silence, redevenus les juifs de la ferveur. La colère. Le cri retenu. Je me souviens qu'en 1945, toute ma génération aurait pu, aurait dû jeter un cri de colère à la face du monde. Et nous avons préféré le retenir. Nous avons préféré en faire un cri d'espoir que peut-être les hommes, moi inclus, ne méritons pas. Siguette. Mon enfance, le retour à cette enfance, le monde disparu, des vieillards et des princes et des mendiants et des enfants qui chantent. et des hommes qui crient la foire, et des maisons d'études, le Shabbat. Ce qui est pour moi, c'est le samedi, c'est le Shabbat, la paix. La paix avant l'orage, orage de feu, orage d'acier, orage de mort. L'amour. Besoin d'amour, la foi en l'amour, profession d'amour, prophétie de l'amour. Ça m'étonne toujours. Le mystère de l'amour, c'est le mystère du bien. Or, le mystère du bien, pour moi, est aussi important et aussi déroutant que le mystère du mal. Que les hommes soient capables, malgré tout, de s'aimer, ça me surprend. Dans un monde si déshumanisé, voué à tant d'haine, et pourtant on s'aime. Le Père. Quand je pense à mon Père, je me tais d'abord avant de pouvoir parler. Et c'est comme ma mère. Il faut que je descende très très bas en moi-même, très profondément en moi-même. Il faut que je découvre une zone enfouie dans un silence qui est le mien et le sien pour que je le retrouve. Et alors, c'est une nuit à Buchenwald. Sa dernière nuit. Et alors, c'est un regard à Buchenwald, son dernier regard. Et alors, c'est moi, à l'aube, orphelin. Et du coup, c'est le silence. L'homme. De quoi donc est-il capable? De quelle bassesse et de quelle grandeur. L'homme ramène toujours à Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu a créé l'homme? J'ai pitié de Dieu autant que de l'homme. Pourquoi est-ce qu'il a eu besoin, de quoi a-t-il eu besoin de créer l'homme? Dieu aurait pu rester seul sans créer cette solitude humaine en face de la sienne. Et pourtant il faut aider, et pourtant il faut le faire rire. Mais je crois que ce que moi j'aimerais faire, c'est le faire rêver. L'essentiel. Vivre l'essentiel. Comment y arriver? Vous savez, j'étais obsédé, moi, par une pensée pendant des années de vivre une vie ascétique. L'ascétisme m'a toujours obsédé et pendant des années, j'y ai consacré beaucoup d'études. J'étais aux Indes aussi pour comparer l'ascétisme hindou au mien, à l'ascétisme juif. L'ascétisme, pour moi donc, est une sorte d'austérité dans la vie. C'est de réduire tout à l'essentiel. Ne dire que l'essentiel, ne prendre que l'essentiel et n'offrir que l'essentiel. Je ne sais pas encore ce que c'est. Mais je crois que j'ai su, grâce à tout ce que j'ai vécu, fuir l'autre, le superficiel, ce qui est de trop, ce qui n'est pas vrai. Donc je ne sais pas ce que c'est que l'essentiel, je le cherche toujours. Mais je fais de mon mieux, et dans mon écriture, et dans ma vie, de m'écarter du reste, du procédé, du mensonge et de ce qui masque l'essentiel. Et enfin, Dieu. Dieu, c'est le moi du moi. C'est l'histoire de l'histoire. Dieu, c'est le rêve de l'homme qui n'a pas de rêve et qui en a besoin. Dans toute mon œuvre, Dieu est présent. Dans toute ma vie, Dieu est présent. Je redeviens enfant pour pouvoir parler à Dieu. Je redeviens enfant pour pouvoir prier. Donc je sais que Dieu, l'homme doit le chercher. « C'était Elie Wiesel au micro de Pierre Lost dans Les mots-clés, une émission diffusée la première fois le 2 février 1972 sur France Culture. Téléchargement et réécoute à la page des nuits sur le site franceculture.fr.